Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On ajoute quelques épices au plus récent plat favori de Stéphanie Gagné. Et on reçoit Gabriel Degrasse avec ses chroniques aléatoires. On y a aussi un livre avec Marie-Pierre Laforce Bourret. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 13 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Est-ce qu'il y a toujours l'alarme derrière? Non. Non, c'est fini? Est-ce que je voulais l'entendre? Oui, elle est là. Est-ce que vous l'entendez? Ben, en tout cas, j'ai allumé 3-4 micros, on devrait l'entendre, j'espère. En tout cas. Donc, grosse situation d'urgence à l'UQTR en ce moment, ça a l'air bien. Ouais. Ça a l'air facile à faire partir, cette affaire. Ouais, c'est ça exactement. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Au moins une fois par semaine. Faut pas évacuer, là. Non, on évacue pas. Par contre, on va évacuer notre stress aujourd'hui. OK. Hein, avec des chroniques tellement divertissantes et relaxantes. Tout à fait. On va commencer en force, d'ailleurs. Oui, à 7h30, Stéphanie Gagné va être avec nous pour sa chronique Ton plat favori en direct de Gatineau. Elle nous parle de... En tout cas, je sais qu'elle va nous faire entendre de la musique. Non? Je sais pas s'il y a un film, mais il y a de la musique là-dedans. Okay. Deux pièces. Dont un nouveau CD que j'ai entendu parler pas mal. Grimes, ils font la couverture du plus récent Exclaim. Exclaim, oui, tout à fait. Bon, j'ai hâte d'entendre ça tout à l'heure. On va aller entendre ça. Génial. Après ça, on va recevoir Gabrielle Degrasse avec sa chronique aléatoire. Et je pense qu'elle nous parle des choses à faire pour la mi-session. Ah! En fait, on est en pleine d'elle. Bonne idée. On revient de la relâche, donc. À l'extérieur, intérieur, jeux vidéo, peut-être? Ben là, il va falloir qu'elle t'attende, Mathieu. On peut qu'elle est très jeux vidéo, hein? Je sais pas. Ouais. Donc, c'est à 8h, c'est ça? 8h. Ouais, exactement. Ensuite, à 8h30, à la fin de l'émission, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire, comme à toutes les deux semaines. En fait, elle est de retour, elle aussi, après une absence, comme Gabrielle. Donc, on revient tout le monde en même temps. Ah, exact, c'est la rentrée, là. Oh que oui. Ça va être intéressant. Mais... Et on va parler aussi des soirées cachées, c'est fou. La ça première édition qui avait hier. Lieu hier, exactement. Ça s'est très bien déroulé, hein, donc on va en parler un peu plus tard dans l'émission. T'étais là. Et oui, exactement. Et puis on va faire tirer des billets aussi. Oui, pour le grand happening qui a lieu samedi, le 17 mars. Génial. C'est un motif exoticus. Voilà, on en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, on débute avec Le Paradis. Une pièce de Winter Mist. Le temps de voir si l'alarme sonne toujours. C'est fini? Non, c'est fini. Ça fait longtemps. Pas moi? Je l'ai même pas remarqué. Notre fond est tellement bon. Ouais. Hey, bonne émission. Merci. C'est à moi que tu parlais? Oh, ben évidemment. Toi ainsi que notre public. OK. sweet song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind. Dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go. To reach and go. My dreams for tomorrow is slowly dying, slowly dying. Behind these dark gray clouds, sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire, give my mind. Tomorrow, it is slowly dying. Still a long way to go. To reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. East Road, et puis la pièce Long Way to Go. D'ailleurs, East Road, Mathieu, qui vont être en spectacle là, au Broadway Pub à Shawinigan. Ben non. Je te dis, et c'est samedi. Samedi le 17, donc samedi qui s'en vient, à 21h. Et puis en première partie de The Porters, qui font un hommage à Johnny Cash. Parfait. Ça va être intéressant. Les billets sont en prévente d'ailleurs à la barrique. Hein? Donc vous pouvez vous arrêter ici. Mais oui, tout à fait. Donc voilà pour ça, merci François. On va maintenant parler de choses geek. Voici la chronique Cynix. Bulletin geek de ce mardi matin, commençons par, par des itinérants. Des hobos! Les robots. Alors, un festival annuel de films et de musique situé à Austin, au Texas, le South by Southwest. Une firme de publicité a pensé donner un coup de main à la clientèle très techno en faisant appel à des itinérants pour ajouter des bornes d'accès Internet sans fil. Et ça crée la controverse, François, tu ne créerais même pas ça. Ah ouais? Oui, le festival South by Southwest est un événement très connu des geeks en tout genre et regroupe des œuvres de créateurs qui sortent des sentiers battus dans des domaines comme la musique, le cinéma et le multimédia. Les visiteurs de ce festival sont des gens très branchés et les points d'accès à Internet sont souvent débordés. L'événement qui a débuté vendredi dernier a fait parler de lui cette année pour une initiative techno intéressante mais controversée. L'agence BBH a usé d'imagination en contactant un refuge local pour itinérants et en offrant à des volontaires de participer à la fête. Ils offrent au public un accès au réseau mobile haute vitesse 4G en se promenant simplement dans la rue. Un candidat reçoit une belle petite formation et un t-shirt portant son nom et un numéro SMS. Un visiteur intéressé peut faire un petit don en échange d'un accès à Internet sur son appareil mobile. On a même pensé créer une carte Google dynamique permettant de localiser en temps réel la dizaine de participants au programme pour s'approcher de l'un d'entre eux et se brancher quelques instants. Donc chacun a son étiquette de nom. Ils ont même une page sur Internet avec leurs photos et tout ça. Et là, tu te connectes à un sans-abri pour te connecter à Internet. OK. C'est comme si lui, c'était un routeur. Genre, c'est ça. C'est un redistributeur de signal. C'est pas mal ça, un routeur. Donc, mais c'est ça, ça cause la controverse parce que les gens disent que, bon, c'est pas valorisant, etc., etc. Mais moi, il me semble... C'est pas valorisant. Mais moi, je comprends pas. C'est enfin donner de l'argent à quelqu'un pour avoir fait quelque chose. Un sans-abri, c'est ça qu'il veut, de l'argent pour faire quelque chose, tu sais. Il me semble, c'est logique. Ouais, non, c'est assez... Ouais. Donc, l'opération a été applaudie par certains, décriée par d'autres. Ouais. On y a vu une initiative qui donnait une chance à des résidents envahis par des étrangers de se montrer accueillants en engageant la conversation. Les détracteurs ont plutôt crié à l'horreur en accusant les organisateurs d'avoir exploité une clientèle vulnérable pour assouvir une société de consommation dépourvue d'humanisme. Ben, en même temps, écoute, ils sont pas obligés d'accepter. Non, c'est ça. Puis eux-mêmes ont dit oui. Ouais. Et puis justement, en fait, ça, si ça peut leur créer au moins un minimum d'activité sociale. Ouais. Et de revenus aussi. Ouais. Activité sociale, oui. Parce que bon, ils vont échanger avec d'autres. Et puis, Et puis je pense que c'est ça qui est important dans la pauvreté. Ouais. Le sans-abri, c'est essayer de s'intégrer socialement. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée, moi. Oui, moi aussi, j'aime ça. Tant qu'il n'y a rien à faire aussi. Exactement. Parlons maintenant d'astronautes on parle d'astronautes à chirurgien grâce à la réalité augmentée. Voilà. Donc l'agence spatiale européenne a fait un pas de géant en ce sens grâce à son système CADMIS, Computer Assisted Medical Diagnosis and Surgery Systems. Il est désormais possible pour le commun des mortels de diagnostiquer un patient et même de pratiquer certaines chirurgies si aucun vrai médecin n'est disponible. L'ESA s'empresse de reconnaître qu'un système de réalité augmentée ne peut pas remplacer les mains assurées d'un chirurgien expérimenté, mais lorsqu'on se retrouve dans l'espace à des milliers de kilomètres de la Terre, des circonstances peuvent faire qu'un astronaute doive s'improviser médecin. Voilà. Le CADMAS est composé d'un système de caméras infrarouges, d'un outil de diagnostic à ultrasons et d'un casque permettant d'afficher la réalité augmentée à l'utilisateur. L'appareil à infrarouge reconnaît sur le corps du patient des points de référence où il peut juxtaposer un corps virtuel. Wow! Le CADMAS guide alors l'utilisateur dans sa manipulation de l'outil à ultrasons et éventuellement d'une chirurgie en exposant des informations nécessaires directement dans la lunette de la personne qui s'en sert. Ah, intéressant. Génial. L'équipe qui travaille sur ce projet a déjà fait tester son appareil à des utilisateurs de l'hôpital de l'Université Saint-Pierre à Bruxelles avec un certain succès et ils cherchent désormais à rendre l'appareil plus petit et plus malléable. Entre autres utilisations, les chercheurs croient que le CADMAS pourrait représenter un avancement important en télémédecine permettant d'apporter une aide précieuse aux premiers répondants et à des personnes confinées dans des régions éloignées. Excellent. Très bien. Ton clavier peut-il influencer tes opinions, François? Lis comme fou si tu veux poser une question. Tes opinions? Non. Selon une étude dont les résultats ont été publiés il y a quelques jours, les mots qui contiennent plus de lettres qu'on tape avec la main droite sur un clavier QWERTY standard sont perçus comme ayant une connotation plus positive que ceux qu'on tape principalement avec la main gauche. Ce drôle de phénomène a été remarqué chez les locuteurs de trois langues qui utilisent le clavier QWERTY, donc on parle de l'anglais, le néerlandais et l'espagnol. L'étude n'a pas considéré le français. Surtout parce qu'une grande partie du monde se serve du clavier AZERTY, là, avec le AZ au lieu du QW dans le coin en haut à gauche. Les français, c'est comme ça que c'est là-bas. Lorsqu'on va demander aux volontaires d'évaluer plus de 1000 mots différents, les mots tapés principalement avec la main droite ont reçu des notes plus positives en moyenne que les autres. Une explication possible au phénomène serait que la configuration du clavier QWERTY fait en sorte qu'il y a plus de lettres fréquentes et plus de paires de caractères consécutifs difficiles à taper sur le côté gauche du clavier. On met toutes les lettres G à gauche. Ce qui fait que les mots qu'on tape surtout avec la main droite sont plus faciles à écrire. QW, Z, X, toutes les lettres G sont à gauche. Ah, en même temps, t'as E, A. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas. Des V, tu sais. Des V, c'est plus rare. C'est rare. Ah ben là. Ouais. Curieusement, il semble que la version que l'on ressent pour les mots tapés, surtout avec la main gauche, sont particulièrement fortes dans le cas des mots qui ont été inventés après que le clavier QWERTY ait été inventé et de faux mots créés exprès pour l'étude. Et non, les gauchers ne sont pas immunisés, l'effet QWERTY semble universel, donc chez tout le monde. Vous êtes perdu dans un pays étranger, vous ne parlez pas la langue du pays. Mais le nouveau logiciel créé par Microsoft est exactement pour vous. Une équipe de recherche de Microsoft dirigée par Frank Soong a mis au point un logiciel qui permet de traduire presque instantanément une personne tout en conservant le timbre de voix, les intonations et même l'accent particulier de cette personne-là. Wow! Le système prend environ une heure pour modéliser la voix de son utilisateur et créer les sons à partir de celui-ci. Ce modèle est ensuite intégré dans le modèle de conversion du texte en parole de Microsoft. Le logiciel peut être utilisé dans les 26 langues supportées par la plateforme de langage de Microsoft, ce qui couvre toutes les langues mondiales principales. Je cite... Pour un voyageur parlant une seule langue dans un pays étranger, nous ferons la reconnaissance de la voix, suivie de la traduction, suivie du texte final à dire dans une langue étrangère, mais toujours avec sa propre voix. Incroyable. L'étape suivante reste donc à intégrer ce logiciel dans une application pour téléphone intelligent et vous pourrez discuter avec une personne parlant une langue étrangère tout en parlant votre langue à vous. Les spécialistes s'attendent à ce que le Windows Phone 8 ou 9 soit doté d'une telle fonction. Est-ce que ça soutiendra l'apprentissage de nouvelles langues, demande l'article de branchezvous.com. Certains croient qu'effectivement, il est plus facile d'apprendre en entendant sa propre voix. Ouais. Étrange. Ouais, étrange. Microsoft, bonne idée. Et en même temps, ça s'ajoute à l'autre chose dont on parlait, je crois, c'était hier, si je me rappelle bien, l'affaire avec le langage des signes. Langage des signes, ça serait utile, la nouvelle d'hier. Donc, ça pourrait bien aller avec tout ça. Hein? Si tu fais traduire le langage des signes et la voix, tout est parfait. On aime ça. Les données des téléphones multifonctions qui sont égarées sont souvent exploitées par ceux qui les trouvent, selon une étude qui est diffusée. Ça n'a pas... Tu peux pas faire autrement, au moins pour trouver le nom de la personne. Oh, et puis les photos, là. Oui, non, les photos aussi. Ouais, ouais. Trouve un cellulaire, je m'excuse. Ouais, personne va savoir que t'as regardé, là. Mais non. Symantec a volontairement égaré 50 téléphones intelligents dans des centres commerciaux, à des arrêts d'autobus et dans d'autres espaces publics aux États-Unis et au Canada pour observer grâce à un logiciel embarqué ce qu'ils devenaient et comment ils étaient utilisés. Les résultats de l'expérience ont montré que lorsque l'inconnu retrouvait un téléphone multifonction non protégé, il y avait une forte probabilité que celui-ci tente d'accéder aux informations personnelles et professionnelles. Par ailleurs, la moitié des personnes ayant trouvé le téléphone portable avaient cherché à prendre contact avec son propriétaire, tu vois, la moitié a cherché à prendre contact. L'autre moitié... Le garde. Fouille dedans, le garde. Ouais, cherche pas trop loin, tu sais, des fois que tu tomberais sur son nom par inadvertance, là, regarde pas à ces places-là, regarde ailleurs, regarde juste les photos, puis je la garde le téléphone. Mais en même temps, tu sais, quand tu le perds, c'est un peu à toi d'appeler aussi, là. D'appeler ton propre téléphone. Ben, tu peux pas dire que tu connais pas le numéro. Ça, j'avoue. Dans 89% des cas, il y a eu consultation des applications connues pour contenir des informations personnelles, comme les coordonnées bancaires. Les dossiers portant des noms liés à l'environnement professionnel, comme dossiers ressources humaines, ont été consultés dans 83% des cas. Globalement, des informations personnelles ou professionnelles ont été consultées dans 96% des pertes de téléphone multifonction. Je pense que ça n'a pas le choix. Hein. Tu vas pas juste... Le 4% des personnes, c'est quoi? Ils prennent le téléphone. Ah, oh, il est pas à moi. Ils vont le porter aux objets perdus puis ils touchent pas. Là. Ils essayent même pas de trouver la personne. Je comprends pas. Symantec conseille aux utilisateurs de mettre en place un code d'entrée élaboré pour bloquer l'accès de leur téléphone dès l'écran d'affichage. Donc, c'est ça. C'est sûr que si tu te barres, tu vas empêcher les gens de regarder tes données, mais en même temps, tu vas les empêcher de te redonner ton téléphone. Non, c'est vrai. Donc, moi, je conseillerais peut-être un écran avec un mot de passe, mais tu changes le fond d'écran de ton appareil pour mettre ton numéro de téléphone, ton nom et ton numéro de téléphone alternatif ou ton courriel dessus. Comme ça, ben tu sais, ils peuvent pas aller dedans sans. Mais ils le voient quand même. Ils voient quand même ton numéro. Ah, c'est une bonne 2. Moi, je ferais ça. C'est une bonne 2. On dit que, en fait, on va sauter par-dessus le reste des articles. Allez voir sur assemblagerequis.com. Il y a un article qui parle de la dématérialisation, je sais que j'aurais de la misère à dire, qui remplacerait le simple stockage sur disque dur d'ici 2014. Donc, on parle que l'informatique dans le nuage, là, mettre ses fichiers sur Internet, sur un serveur pas sécurisé, que tu sais pas si ça va être là dans 5 ans. Hmm. Ça va être bien à la mode d'ici à 2014. Tout le monde va avoir ça à la place d'utiliser des gros disques durs. Bon. Eh bien. C'est ce qu'ils disent. Là. Pour les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de place, mettons. Donc, allons-y avec le tour du net. Hein. La chronique d'aujourd'hui se passe en 4 temps. Deuxième temps, tour du net. Commençons avec une fille qui fait de drôles de sons d'animaux. OK. OK. Dog. Cat. C'est une fille qui fait ça. American Robin. Elle est bonne. Cricket. Bonne. Owl. Vous avez pas dit que c'était une fille au début. Wolf. Peacock. Horse. Hey, see? Elephant. Cow. Sheep. Elle est bien, celle-là. Duck. Goose. Or. Morning dove. C'est quoi, Kookaburra. Ça? Oh, jeez. Je me fais. Je dis que ça, ils sont trop drôles. Wow. And parrot. Wow. Génial, je la trouve super. Et très bonne. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Génial. Allons-y avec... c'est une galerie photo, en fait. C'est des plans rapprochés de peinture en train de sécher. T'sais, on se dit des fois, j'aimerais mieux regarder la peinture sécher tellement quelque chose est plate, tu sais, genre. Bon. Mais dans ce cas-ci, de la peinture qui sèche, ça peut être très intéressant. C'est l'artiste Phyllis Toberon qui fait de l'art abstrait. Et là, elle analyse ça. Tu sais, les artistes, des fois, c'est bon, là, ça explore la géologie, la Terre, ça ressemble à des camions et des montagnes, blablabla, super profond, là, mais elle juste regarder les photos, c'est beau, ça. Pas besoin d'analyser ça et d'essayer de mettre des termes autour de ça, là, l'art, là. Bon. Juste aller voir. Allez voir ça. Tiens, un concours. En fait, c'est pas un concours pantoute. C'est plus un genre de promotion, campagne promotionnelle pour une compagnie qui s'appelle Hell, HELL.co.nz, donc c'est en Nouvelle-Zélande. C'est une pizzeria, OK? Si je comprends bien, là. Ouais, c'est ça, c'est une pizza. Donc, ça s'appelle la pizza roulette. Ok. C'est une pizza normale, mais si tu le demandes, ils vont mettre les chilis, les piments chilis les plus piquants du monde, ok, dans juste une des pointes, mais ils disent pas laquelle. Donc là, avec tes amis, tu manges la pizza. Tu dois t'en rendre compte assez vite. Assez rapidement, mais ça fait très mal. Ils disent, c'est gratuit de le faire ajouter, ça coûte rien, mais quelqu'un va payer. C'est une bonne idée. Ça. Je cherchais si c'était une pizzeria ou d'autres, s'ils faisaient d'autres choses aussi. T'aimes-tu ça? Tu manges épicé ou? Je mange épicé, mais ouais. des chilis ultra piquants, là, qu'il faut. Tu sais, je bois pas de lait, moi, tu sais. Ouais. Genre, il faut un verre de lait pour calmer ça. Non, en tout cas, il y aura de faire pas mal d'autres nourritures aussi. Allez voir ça, c'est lpizza.com si vous voulez trouver ça plus rapidement. Sinon, tiens, il y a une nouvelle application, en fait, qui commence à être très, très, très populaire. C'est une. Ça s'appelle Draw Something. C'est une application de dessin et c'est devenu beaucoup, beaucoup trop populaire pour rien, en fait, parce que ça ressemble à un genre de Paint. Ça a été téléchargé 20 millions de fois jusqu'à maintenant, ce qui est plus que toutes les applications les plus populaires du moment, dont Foursquare qui date d'il y a 3 ans et puis Instagram qui a 1 an et demi. Draw Something a plus d'utilisateurs que ça. C'est l'application numéro 1 dans 79 pays. Les utilisateurs ont produit plus de 1 milliard de dessins. Des 20 millions de téléchargements dont on parlait tantôt, 12 millions sont des utilisateurs actifs. Ça a généré plus de revenus pour la compagnie OMG Pop, qui est la compagnie qui fait Draw Something, en 5 semaines que toute la compagnie avait fait depuis l'année passée. Le 12 mars, 2400 dessins de Draw Something ont été faits par seconde. Et OMG Pop a dépensé 0$ en marketing depuis le lancement de l'application. Donc, si vous voulez aller voir pourquoi tout le monde en parle, téléchargez pour ajouter un autre chiffre, un autre nombre au total. C'est Draw Something, littéralement une application de dessin. C'est tellement simple, mais ça fonctionne, faut croire. Oh, tant mieux. Tant mieux pour eux autres. C'est pas mon genre de truc, mais bon, c'est pas non plus. Ouais. Allons-y avec troisième temps dans la chronique Cynix aujourd'hui. Les nouveautés à magasin de cette semaine. François, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc allons-y. Mass Effect 3, gros jeu. Très gros jeu. Très attendu. Sur PC, c'est un jeu de rôle. Est-ce que tu as déjà joué non. Non. J'ai vu un peu de quoi ça avait l'air. Mais toi, jeu de rôle, pas tellement. Non. Je te comprends, j'aime pas ça non plus. Ça sort sur PC, Xbox et PS3. MLB 2K12, oui, le simulateur de baseball sur Xbox, PS3, PSP, Wii, DS et PC. Stacking, un puzzle où on capture et on empile des poupées, un peu comme des poupées russes et qu'on utilise chaque habilité de chaque poupée pour résoudre des puzzles. Donc ça sort sur PS3 et PC. The Sims 3 Showtime, une simulation de la vie, si on veut, c'est sur PS3 aussi. Et Tropical Stormfront, un jeu de stratégie en temps réel sur PlayStation 3 et PC. Sur Xbox 360, Blades of Time, un jeu d'action, et Street Fighter X Tekken, un jeu de combat. On se rappelle de Street Fighter X Tekken, on en avait parlé la semaine passée, c'est le jeu qui met du contenu additionnel directement sur le CD. Mais faut que tu l'achètes. C'est ça. Très, très fort. Sur Xbox Live Arcade, en ligne seulement, I Am Alive, un jeu d'horreur action-aventure. Sur PlayStation 3, MLB 12 The Show, un simulateur de baseball traditionnel qui est aussi sur PS Vita. Sur le Sony Entertainment Network de la PS3, MotorStorm RC, un jeu de rallye off-road qui est aussi disponible sur le PSN ou le Sony Entertainment Network là, de la Vita. Et Start the Party, Save the World, un jeu de party, évidemment. Sur la PS Vita, Unit 13, un shooter à la troisième personne. Sur le Sony Entertainment Network de la PSP, Susume Tactics. C'est un jeu de stratégie en temps réel science-fiction. Sur la Nintendo Wii, Mario Party 9 sort enfin. On en parle depuis tellement longtemps. Un simulateur de party, évidemment. Sur Nintendo 3DS, Nicktoons MLB 3D, donc les jeux de baseball qui continuent, mais cette fois-ci avec des personnages de dessin animé. Un simulateur de baseball quand même. Sur le eShop de Nintendo, c'est-à-dire la console, en fait, le magasin, la boutique en ligne de la Nintendo 3DS, c'est Fun Mini-Golf Touch. Un simulateur de golf. Et sur le DSiWare, qui est la version en ligne de la DSi de Nintendo, c'est Zuma's Revenge, le puzzle que tout le monde connaît et tout le monde adore. Voilà pour les nouveautés en magasin cette semaine. Il nous reste seulement du chiptune à entendre. C'est Moony Night qu'on s'en va entendre avec la pièce No Thanks, fabriquée avec un Game Boy Advance SP. Si tu veux être vraiment spécifique dans la console utilisée pour faire ces sons-là, ça vous intéresse. Donc, Moony Night, tous les liens de la chronique d'aujourd'hui et les autres sur assemblagerequis.com. Plat favori de Stéphanie Gagné. Ah, salut, t'es quand même relax cette chanson? Ouais, quand même. Pas pire. Des fois, je peux te gâter un peu. Ben là. Tu me gâtes en m'offrant du chiptune. T'acceptes jamais rien de ce que je veux. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Toujours avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante à Assemblage requis. Ce matin, le mardi 13 mars. Tuesday. Journée Twisté. Hey, c'est quelle la journée des contraires, tu sais? Des contraires? Des contraires, tu sais, comme tu dis tout le temps le contraire, ce que tu penses. Il n'y a pas une journée pour ça dans l'année? Je sais pas, non. Il faut que tu la détermines toi-même. Ça

Excellente idée, aller voir une galerie de photos, de choses, comment qu'ils ont créé cette, cette surprise-là sur assemblagerequis.com dans les liens de la chronique Ton plat favori. Et ça, ça se déroulait hier? Non, c'était non. Récemment. Je peux pas te dire exactement la date. En fait, je peux sûrement te le dire. C'était posté le 9 mars, donc ça date d'il y a quelques jours quand même. Mais c'était enregistré donc à la conférence TED en Californie récemment. Voilà. Je vous laisse aller voir le lien pour ça. Et puis, on écoute On a créé un monstre avec la pièce Brûle qui est sur le palmarès francophone. Brûle! On a créé un monstre tout de suite. Ça, c'est fou. Juste cette semaine, elle a oublié de regarder combien de caresses. Hey, c'est la fin de la première heure de l'Assemblage Requis. Ça, c'était On a créé un monstre avec la pièce Brûle. Oui, très bonne pièce d'heure. On a créé un monstre qui était en prestation hier ici à l'université. Ils étaient cachés en quelque part. Cachés, tout à fait. Aux soirées cachées. On revient dans quelques minutes avec la chronique aléatoire. Oui, de Gabriel Degrasse. Oui, on va aussi parler du grand happening qui a lieu samedi, le 17 mars, dans la deuxième heure. Et Marie-Pierre Laforge-Bourin avec sa chronique littéraire. Donc, que de belles choses à ne pas manquer dans quelques minutes. Restez là. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Minutes, c'est la deuxième heure d'assemblage requis en ce mardi 13 mars 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on a aperçu au loin une Gabrielle de Grasse. Bienvenue, mais repartie. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle nous aime pas bien. Hein? Non. Ça arrive. Mais non, elle va revenir tantôt. On va la voir pour sa chronique aléatoire. Elle va nous parler de choses à faire pendant la mi-session. C'est bien ça? Ben oui, je pense. C'est ce qu'on a entendu dire. Mais pour l'instant, voici Mauve et Madeleine. 89 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. De la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais ta vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai? Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Madeleine, de la formation Mauve à Assemblage requis. Ah, on est arrivé juste à temps pour c'est la fin de cette pièce-là. François-Yves Marchand, Mathieu Plante, toujours à Assemblage requis. Et maintenant, on va accueillir notre ami Gabriel de Grasse avec sa superbe intro. Je sais pas si elle s'en rappelle, ça fait comme 3 semaines qu'on l'a pas vu, Gabriel. Peut-être que son intro est pas fraîche dans sa mémoire, alors la voici. Gabriel Legrasse avec sa chronique aléatoire Power to the Super Infinite Power. Voilà. Ouais, bon matin. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon matin. Accents, hein? Ouais, trivial ça, hein, je pense. Ouais, je me sens trop aussi, là, ça va. Bon. T'es confortable? T'as repris ta chaise après cette longue période? Ben oui, mais c'est parce que je suis pas venue la semaine dernière, parce que j'ai fait une... Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, la semaine dernière, ouais, c'est la relâche. Qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Qu'est-ce que je t'ai inventé? Pour être sûr que ce soit la même affaire, Martin. Non, j'ai fait En fait, t'avais viré de méga brosse. C'est sûr que non, j'étais en semaine d'examen. Non, c'était pas rapport. Non, c'était une ingestion. Ouais, un truc alimentaire avec... Mettons. Ouais, de quoi de même? La vodka, c'est alimentaire, ça, je pense. C'est une nourriture. La bière. Bière, ouais. Oh! En tout cas, on dira pas trop fort. Bon. L'important, alors, c'est que t'es de retour, là. Ouais, mais dans le fond, ce matin, j'ai une chronique qui avait rapport avec la mi-session. OK. Fait que là, je vais la faire quand même, parce que dans le fond, c'est quand même pratique pour n'importe quand. Non, on est quand même à la mi-session, là. En fait, ouais. La semaine de relâche vient de se terminer. Mais j'avais un examen encore hier. Je me dis, c'est encore valide. C'est correct. Puis il y en a qui ont beaucoup d'examens encore, la semaine prochaine, sûrement. Fait que on va en profiter. D'accord. Je me lève. Dans le fond, c'est des astuces pour aider à la mémorisation. Okay? Oh! 8 astuces pour la mémorisation, mais quand je les ai lues, je me suis dit, c'est sûr que ce site-là, il n'est pas fiable. Okay? Je vais voir d'autres sites pour voir si ça va être de l'allure. Ouais. Finalement, le site est quand même fiable. OK, ça va de l'allure, ça va de l'allure. Ouais. C'est des trucs qui te semblaient bidons? Ben non, c'est des trucs logiques, mais expliqués sur une forme vraiment, vraiment comme d'un langage populaire que tout le monde peut comprendre. C'est pas un site scientifique où tu te dis, je vais aller là, puis je sais que ça va être fiable. Avec des termes un peu plus... Ouais, non, c'est vraiment des termes... je pense que c'est un site français. Ah oui? Oui. Est-ce que tu vas faire un accent tout le long? Non. Non. Surtout que la voix grave que j'irai pas me mettre le matin. Mais c'est ça. Maintenant, je vais commencer. Ça vous dérange-tu? Non, vas-y. OK. Pas sûr. OK. Dans le fond, ce matin, première astuce, c'est vraiment... Vous allez tellement rire de moi tout le long, j'ai déjà hâte. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Première astuce, c'est pour la mémorisation, c'est les aliments. Fait que les différents aliments qu'on mange aident à la mémorisation ou non. OK. OK. Exemple, si tu manges des chips, ça t'ira pas loin. OK. Mais, mettons... Les huîtres, c'est pour d'autres choses, je pense. Je sais pas. Ça, c'est aphrodisiaque. Peut-être, je sais pas. J'en ai jamais mangé. Chacun sa nourriture. J'en ai jamais mangé de ma vie, fait, je sais pas te dire. Non, pas... Non, je suis pas... Non, toi, oui? Non, ben non, j'aime les fruits de mer, mais les huîtres, c'est pas mes préférés. Non, ça... Mathieu Plante a une bonne réputation à ce niveau-là. L'aphrodisiaque, hein? Ouais, c'est ça. Des huîtres? Ouais. OK. La coquille, hein, quoi? Fait dans le fond, logiquement, le cerveau représente seulement 2% de la masse corporelle. Et donc, le reste, comme c'est écrit sur ma feuille, okay? Okay, oui. 20% de l'oxygène et 20% de l'énergie alimentaire sont pris dans les aliments pour nourrir le cerveau. OK. Okay? Donc, comme c'est écrit là, vas-y, tu peux rire de moi. Non, mais c'est quoi? 20% de ta bouffe, ça en vaut comme nourrir ton cerveau? Ouais. Okay. Comme un petit poisson. Ouais. OK. C'est écrit là-dedans. Mais écoute, c'est écrit. Tu sais, c'est un site. Tu sais, là, je n'ai pas écrit .qc.ca à la fin de mon site. Fait, c'est peut-être pas bien. Ton cartable, c'est un site internet, c'est ça que tu veux dire? Hein? Ton cartable avec tes notes écrites à la main, ça, c'est ce que tu appelles un site internet, ça, c'est ça? Ben, j'ai pris dedans un site. OK. Je suis pas sûr parce que là, j'essaie d'être au courant. Je me suis fié à. OK. Mais c'est, je pense que c'est un stylo. Mais là, on parle de quoi? C'est quoi, des légumes, des fruits, j'imagine? Ben, je vais te dire, regarde, j'ai même une liste dans mon dans mon cahier fiable des internets. Professional, oui, ton internet. T'as pu nous amener une recette des internets. C'est un ultra portable. Ouais. Fait que là, dans le fond, regarde, tu vois, je t'ai quand même plus. Non, mais dans le fond, ça disait de boire un demi-litre d'eau à chaque jour. Ah, c'est ce que je fais. Minimum, c'est pas beaucoup un demi-litre d'eau, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. Non. Bravo, François-Olivier. Yeah. Ouais. Bravo, François, c'est un chocolat chaud suivi d'une bouteille d'eau. Ouais. Je te l'ai même pas amené ce matin. Oh! T'es cheap, là. En plus. En tout cas, on t'exprime tantôt, c'est pas grave. Merci. Ensuite, t'as dit de manger des glucides complexes, exemple du pain, du riz, des pâtes. OK. Des produits frais en acides aminés, donc des fruits et des légumes. Et puis des vitamines B1, céréales, porc, peanuts. Des pinottes. Des pinots en français, c'est quoi? Des arachides. Des arachides. Voilà. Des cacahuètes. On revient à le 3 semaines quand tu reprenais. Tiens, de me rappeler quelque chose. Anglais. Parfait. J'aurais jamais dit ça. François, t'as reprenais sur ton anglais? Plage de neige. Snowboard, de plage de neige. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle même plus. C'est ça. Et les vitamines B12 dans les crustacés, produits laitiers et le poisson. Le poisson, oméga 3, j'imagine. Oméga 3 aussi dans les œufs qu'on peut aller chercher aussi. Donc, c'est tout ce qui aide à la sélection du cerveau, donc à mieux mémoriser. OK. Donc, point 1, fini. OK, super. C'est bon? OK. Pas pire, ça va bien. Ouais, ça va. Mais dans le fond, il y a genre le truc. En dessous, j'ai comme des astuces à ne pas faire. OK. Là, c'est écrit éviter l'alcool. C'était écrit sur le site des C'est sûr que si t'en bois beaucoup, en fait, tu risques d'oublier des bouts. Oui, c'est logiquement. Souhaité, une bière, normalement, ça fait rien. C'est comme une coupe de vin, c'est pour la santé. Bon, exact. Ça fait rien. Mais exemple, que tu vires une brosse la veille, que t'étudies, le lendemain matin, pas malade. T'es pas vraiment ben efficace. Non. Il y en a qui le savent pas, je pense. Procrastination, on va être là. Mm. Ça va être ta grande chum, ce journée-là, je pense, plus que l'étude. Ouais. Mettons, tu vas peut-être skipper une chronique ou quelque chose. Ouais, ou avoir une abandonnement alimentaire, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. Ensuite, c'est écrit prendre 4 repas par jour. Donc pourquoi 4 repas? 4 repas, dans le fond. Voyons donc. T'expliquer ça pourquoi? Ça veut pas dire de prendre un déjeuner, un dîner, puis un souper, pile, mais environ, mettons, prendre comme 2 dîners. Avec les beats qu'on a, puis avec les heures. Les beats, les rythmes de vie que nous avons. Tu te replais toi-même. Je suis pas super, je commence dans le beat. Mais c'est vraiment, c'est comme un brunch, le prendre 2 dîners, c'est pour ça. Mais c'est plus que, mettons, tu sais, aux heures qu'on se lève, aux heures qu'on étudie, si on se lève tôt, on se couche tard pour étudier. Ce qui fait que quand tu te lèves, mettons, à 8 heures, tu manges. À 11h30, t'as faim. Ouais. Puis à 3h30, t'as faim. Fait que mange les deux ce fois. Ce qui fait que tu manges deux fois. Mais tu manges moins. Pas deux. C'est exactement. Tu manges pas deux gros repas. Tu fais pas deux steaks. Non, exactement. Tu manges un sandwich, puis l'autre, tu manges une salade, mettons. Ou, tu sais pas ce que tu veux manger. Collation. Des c'est pâtes, un club sandwich divisé en deux. Des pâtes, des fruits. Fruits, des fruits de mer céréales. Un poisson, des arachides. Un poisson. Puis tu soupes, exemple, mettons, vers 7h30, mettons. Mm-hmm. Ce qui fait que ton rythme est mieux. Puis après 7h30, d'habitude, normalement, le corps va moins bien digérer toutes les acides, que, pas les acides, mais tout ce que tu vas avoir. C'est là que tu prends du poids. Accumulé si tu manges. Qu'est-ce que c'est? Hey, ça vient de dans une de mes oreilles. J'ai fait. Ça, là, ça fonctionne-tu? Tes écouteurs, hein, c'est ça? Oh. Attends, ça va aller. Dans l'autre oreille. Ah. Bon, on est très transparent. Dans les deux oreilles. Ça va? Yeah. Good. Ça va bien. Mais en fait, un petit truc simple, c'est mange quand t'as faim. Ouais, ouais, mais tu sais, si t'as faim 10 fois par jour. Ben c'est ça, c'est parce que si tu manges des collations, ton corps, ton cerveau, ça y prend comme quoi 20 minutes avant de savoir qu'il n'y a plus faim. Fait que là, tu manges des collations ou des chips, c'est bon, des chips. T'sais, pis là, ben, à là, un moment donné, faut t'arrêter de manger, t'as pas le choix. Là. Parce qu'en plus, quand tu manges, t'as lu toutes tes notes avec tes dégâts. Ah, c'est vrai, hein, les Cheetos, là, c'est pas. Fait que, on va laisser faire. Deux. C'est écrit dans mon cahier rythme biologique. OK. Bon, ça doit être vrai, non? Oh. C'est quoi, celle-là? Là? C'est les hormones, non? Non. Non, François-Olivier, non. C'est en lien, mettons, avec les périodes d'études dans une journée. OK. Okay? Donc, les périodes où est-ce qu'on est plus propice à étudier, les périodes où on est moins propice à étudier. Donc, Le matin, c'est écrit milieu de l'avant-midi jusqu'à l'heure du dîner. Fait que, mettons, qu'on milieu de l'avant-midi, on commence à 9h jusqu'à environ midi. Ça dépend à quelle heure tu te lèves. Ça dépend, mais normalement, dans une journée, en demi-midi, c'est l'heure du dîner. Ouais. Mais ça dépend des personnes. C'est ça. Des bits de vie. Mais mettons, donc, environ de 9h à midi, c'est là, dans le fond, c'est considéré comme le summum de l'apprentissage. Le plus productif, c'est exactement, là. C'est là. Ça dépend toujours des personnes, c'est sûr. Il y en a qui viennent étudier de nuit, d'autres de soir. Ouais, il y en a qui écoutent du métal à étudier. Hein. Si toi, ça marche, mais en généralité, les personnes vont étudier là, oui. Puis si t'as un examen le matin, tu peux pas étudier là. Ouais. Ben non, mais ça, c'est comme la veille de ton examen que tu devrais commencer à étudier d'habitude. C'est un truc que je donne. Merci. C'est même pas écrit, ça. Fait plaisir. Non, mais le dis. Ça va, ouais. Tu sais, on the side, mais sur le côté, ça se disait mal. Ensuite, après les repas, c'est pas le meilleur temps. Pourquoi? Parce que ton corps est occupé par la digestion. Ce qui veut dire que ton corps, ton cerveau est plugué là-dessus. Ton corps est au ralenti, tes murs ralentis. Ton cerveau est au ralenti aussi. Mais ça, tu le vois, là, juste quand tu dînes. Là, après c'est ça, sûr que si tu dînes léger, c'est moins pire. Mais si tu dînes vraiment, que tu, même si tu manges un sandwich et des chips, mais t'en manges beaucoup. Tu vas avoir mal au ventre quand même, puis tu vas pas être là. Je sais pas si c'est écrit, là, mais moi, j'irais me baigner après avoir mangé, parce que comme ça, te baigner et étudier, ce que t'es pas supposé faire, les deux s'annulent. Non? Je crois que les deux s'annulent. Après, ouais. Deux wrong make a right, hein? C'est ça? Ouais. Ben, je te dirais pas non, je te dirais pas oui, je vais m'essayer. Non, j'ai un étudiant, tu as déjà fait ça? Non. Pourquoi l'essayer? Mm. Plastifie tes notes, on y va demain. Let's go! Donc, les astuces de mon point 2. Ben oui. Tounounou. OK. Des déjeuners légers pour mieux aider justement si tu as un trop gros déjeuner puis ta période d'études optimale et de 9 à midi, ça va aller mal d'étudier dans ce temps-là. Pop-tart? Pas sûr. C'est léger, ça, une pop-tart? Non, mais des fruits? Et on mange des fruits, on mange des oméga 3. Tu comprends? Ils vont tous ensemble, tu choisis pas celui que tu veux. Ben non, ben ils viennent tous. Ouais, ça va mieux. Mange un poisson le matin, là. Okay. Ça va bien. Avec des pâtes, là. Les petits goldfish, les petits poissons en biscuit. Non, non, un vrai poisson, là. Ça compte pas. Après, dans ton aquarium. Ensuite, faire des siestes. C'est dur, ça. De 9 à midi. Pas. Une sieste, là, c'est pas dormir, genre faire une nuit de sommeil. Non, 15 minutes, 20 minutes? 15, ça se disait 10 à 20 minutes environ. Okay, il y en a beaucoup qui sont on est tellement fatigués que 10 à 20 minutes, ça t'amène que tu finis par faire une heure. Faut se mettre une alarme, là. Mais bon, tu te mets snooze. Snooze, ton meilleur chum en fin de session. OK. Meilleur chum. Mi-session. Oh, vas-y. Excuse. Ça, je suis là rendu fin avril. C'est déjà fini, là. Mais là, il fait tellement beau dehors que c'est ça. Ensuite, bien dormir, donc 8 heures, normalement, de sommeil. Sont pratiques, mais puisqu'ils sont limités, ils ont inventé les siestes. Mais faites pas rien. C'est ça, une chance que Dieu a inventé les siestes. Hein, c'est ça. Puis faire des pauses aux 1h30 de tes études parce qu'à un moment donné, ton cerveau, puis qu'elle a fonctionné. Ce qui fait que t'as beau lire tes notes, t'es dit. Ouais, ben si, recommande ça pour tout dans la vie, même utiliser un ordinateur ou n'importe quoi. T'es supposé te lever une fois par heure et demie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te promener, tu t'écoutes la TV. Mange un poisson. Bonne bière. Pomme bière. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas écrit dans mes astuces. Il n'y avait pas un point, genre sous-point, idée de quoi faire pendant tes pauses. Non. Tu sais, les pauses de pas être. Je suis un peu déçu de ce chronique-là. Mais tu sais, les pauses de pas être de. Une heure en. Non, c'est ça. C'est pas une pause d'une heure, pas une heure et demie d'étude. Là, c'est facile à tirer une pause. C'est un peu comme une sieste. Hein? Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas pratique. OK, bon. Point 3. Point 3. Dormir. Oh, pas ça qu'on vient de dire? Non, mais là, regarde. Oui, mais là, c'est un autre point juste pour dormir. OK. OK. Excuse-moi. Merci. Moi aussi, je voudrais que ça se répète un peu, mais c'est pas grave. Moi. On te pardonne. Ils s'en apercevront pas, son petit calme. J'ai jamais pensé ça. Tu mets dans le cave tout seul, hein, tu le savais. Ben oui, je sais. Tu savais jamais rien dit. Ok, parfait. Qui c'est qui est cave? Hein? Je t'inclus okay. Là-dedans. Oui, merci. Ok. Donc, 8 heures de sommeil, comme je viens de dire, à l'assise de l'autre point. 8 heures de sommeil, pourquoi? Parce que c'est la généralité d'heures de sommeil qu'on va prendre. Mais aussi, les heures qui sont avant minuit sont comptées comme réparatrices. Donc, au niveau du cerveau, au niveau des tissus, au niveau des muscles, au niveau de tout sur ton corps humain. Donc, c'est ça. C'est ça qui est écrit. Ensuite, dans le fond, durant que t'étudies pendant tout, durant que tu dors. Ouais, c'est ça, mais. Le cerveau rembobine. Rembobine quoi? Rembobine toute l'information que t'as accumulée dans ta journée. Donc, avant de t'endormir, ton cerveau fait ça. La clause dans différentes parties de ton cerveau, et puis. Je vais te dire oui, moi, c'est écrit juste rembobine, okay. L'information. Okay. Ça se rappelle de tout, puis ça la garde. Oh, ouais, c'est ça. Donc, c'est un mémoire d'information. Ça archive, c'est ça. Exactement. Donc, les astuces, si tu révises un peu avant d'aller te coucher, ton cerveau va mémoriser les notes que tu as. Parce qu'on se rappelle tout le temps de ce qui vient de se passer le plus proche. Exactement. Donc, par exemple, que tu étudies de 9 à minuit, de soir, et non de 9 à midi. Donc, de 9 à minuit, tu te couches à minuit, puis. Bon, c'est vraiment un bon exemple. Je viens de dire que les heures de sommeil réparatrices sont avant minuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mettons, puis pas après souper, mettons, parce qu'on sait qu'il faut pas étudier après souper. Mettons que tu soupes à 7 heures. Ouais. Tu étudies, mettons, à 8 heures. Ouais. Mettons, de 8 à 10, tu étudies un bon 2 heures. Mais deux bonnes heures, correct. Puis tu te couches à 10, ouais. Ben tes 2 heures-là vont comme être. Puis après 1 heure et demie, tu prends une petite pause. Non, tu prends pas de pause. De l'espoir, là, tu te couches plutôt. C'est comme parce un cours. Tantôt, tu disais 1 heure et demie. Bon, mais c'est comme un cours. Si on a des cours de 3 heures, le prof, il dit on prendra pas de pause, on va finir plus tôt. Tu vois, genre, bon. Ah, enfant. Ok, ouais. Ah. Tu comprends? Ouais. Fais des passe-passe, là. Tu connais ton corps. C'est pour ça. Tu connais ton passe-passe, tu connais ton corps. J'avoue que c'est vraiment mal dit. Moi, j'aime ça, en tout cas. Ouais. Fait qu'on va continuer. Ça, ouais, fait que là, on parle toujours de dormir. Ouais, de dormir. De dormir. Dormir, hein. Donc, c'est ça. Ensuite, tisane à la camomille. C'était écrit ça sur le site, là. Je dis ça ou je dis pas ça? À la camomille. Mais ça disait ça parce que ça. Pourquoi la camomille? Ça relaxe. Ben, ça relaxe, puis sinon, j'ai pas fait aucune recherche. Je peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que ça te focus ou quelque chose comme ben, ça. Ben, peut-être. Peut-être. Je pense que comme il t'aide à relaxer, je pense qu'à un moment ouais, ça déstresse tous tes autres problèmes, donc tu te concentres plus sur ça. Souvent, c'est ça. T'as de l'angoisse vis-à-vis un examen, nous. Voilà. Voilà. Surtout quand tu dis juste la veille ou le matin, parce qu'on est à 8h30, mais tu dis 9 à midi. Ça dépend de. Là, en plus, t'as passé ton temps à plastifier tes feuilles pour pouvoir aller te baigner. Ah, après. Temps, après, t'as pas. Plus là, compliqué. Là, tu sais plus quoi manger non plus. Ouais. Ça va mal. OK. Point 4, faire du sport. Oh, mon point préféré. Mathieu, le grand sportif. Aller à la piscine. Tu vois, ça inclut dans tes. Ah, okay. Plastifier tes notes, go. Non, dans le fond, faire du sport, ça améliore l'oxygénisation. Non. L'oxygénation de ton cerveau. Dans le fond, ça crée des endorphines. Les endorphines sont un stimuli qui aide à étudier après. Okay. Donc, ton corps est comme plus fatigué, mais ton cerveau est réveillé. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça te vide le cerveau aussi. Mais, en fait, tu vas marcher, à rien pendant tu crées de l'endorphine. Tu comprends? Tu fais n'importe quelle activité physique, tu crées de l'endorphine. Ouais. Ça aide à étudier. Et ça, c'est bon pour tous les aspects de ta vie aussi. Oui, en général. Marcher, c'est facile. Oui, c'est quand même assez simple. Donc, les astuces, s'entraîner à deux. Ça m'a c'est vraiment un peu plus. Bizarre parce que j'ai fait plein d'activités physiques, j'ai fait l'endorphine, ça stimule. Ah ouais, à deux, non. Dans le fond, c'est juste qu'à deux, tu peux te motiver aussi avec l'autre personne quand tu t'entraînes, un ami, un cousin, whatever. Puis, ça un fait justement. Cousin. Ouais. Ouais. Ton cousin vient pas ici, toi? Non. Moi non plus. Fait que, dans le fond, ça t'entraînes à deux de un. Plus le goût de t'entraîner. Ouais, t'es motivé. En fait, tu sais, mettons que t'es dans ton divan, tu. Ça te tente pas. Ben, c'est ça, là. C'est plus dur à faire, là. À deux dans ton divan. OK. Fait qu'on passe au point 5. Ça aussi, c'est de l'activité physique, par exemple. Oui. Ce que tu fais dans un divan. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans un divan? On se comprend. Laisse-nous faire. Fait que. Point 5. 5. Fallait que t'en aies. 5. Ta radio. Mais ça change absolument rien. Juste toi qui le vois. C'est important d'aimer ma radio, Gabriel. 5. Structuré, c'est court. Comment? Structuré, c'est court. Okay. Pourquoi? Dans le fond, structuré, c'est les notes de cours quand vient le temps d'étudier. Il y a beaucoup de monde qui ont différentes techniques pour étudier. Exemple, tu vas copier tes notes de cours ou il y en a qui vont juste les mémoriser sur l'ordinateur, il y en a qui vont les imprimer, il y en a qui vont les apprendre par cœur, il y en a qui vont les apprendre par concept. Et il y en a qui liront même pas, ils vont avoir d'excellentes notes. Ils ont juste. Ils ont été là juste dans les cours. Donc, ça part, veut pas, de tes propres cours que tu assistes. Donc, dans le fond, comment tu fais tes notes de cours et ensuite, comment tu les remets pour étudier par la suite. Donc, est-ce que tu les copies ou peu importe la technique. Est-ce que tu les écris sur les bras? Oui. Aussi pour tricher. Oui, aussi. Oui, puis tu mets des manches. Mm-hmm. Puis tu reviens. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui étudie beaucoup avant un examen, mais j'assiste au cours. Ouais, t'as eu 90% aussi récemment, fait que bravo. Moi, c'est l'inverse. J'assiste pas beaucoup à mes cours, mais c'est vrai. Mais pendant le carnaval, t'as pas dû assister à aucun cours. Mais deux cours sur quatre, c'est quand même bon, moi, je trouve. Quand v'là un an, t'as été reposé. C'est quasiment la moitié. Quasiment la moitié, approximativement. Non, j'ai pas fait de power nap la semaine. Tu vois, les siestes, là. Passer par ça, bypasser ça. Tu donnes tes propres conseils, Gabriel. Ben ouais. Non, mais elle les a appris après. C'est ça. Tu les as appris avant la semaine de relâche. Sur ton cahier internet.com. Des internets. Des internets. C'est les internets. OK, excuse-moi. C'est pas grave. Fait que là, dans le fond, j'ai écrit souligner les points importants. OK. Est-ce que tu as surligné le mot souligner? Non, mais ça, c'est comme le point pas rapport de mon, de mes 8 astuces. Et le reste avait rapport. Mais je trouve que là, c'est quand même constant d'avoir combien manger tout. En tout cas, souligner les points importants. Mais en même temps, faut pas tout souligner. J'ai dit souligner les points importants. Non, je sais, mais tu sais, des fois... J'ai pas dit souligner votre texte. Hey, laisse-moi venir! Non, mais tu sais, des fois, t'as un examen, tu penses que, tu sais, hein, ça, c'est important, tu soulignes tout, puis à un moment donné, ben, tout ton texte est souligné. Là. Non, mais rendu à l'université, c'est pour t'avoir appris comment... C'est quoi souligner? Ah, mais c'est pas tout le monde qui l'a appris. Toi, tu l'as appris? Ben, ouais, mais je souligne pas, moi. Ah. J'ai rien appris. On me laisse voir d'abord, ça marche pas dans l'enfer. Parle-moi à place, Gabriel. Ensuite, mettre des codes de couleurs, des pictogrammes pour avoir une suite dans tes idées. Mais c'est vrai. C'est vrai, il y a du monde qui a vraiment des codes de couleurs. Tu fais un highlighter sur l'ignore. Oui. Tu fais un post-it. Des jaunes, des oranges, des roses, des verts. Des post-it, oui, oui. Mais oui. Mais les filles, on est surtout comme ça. Là, on est vraiment comme on met des petites couleurs. Des petits cassés, des affaires de même. Vous êtes plus ordonnés que nous autres. Ouais. En général, là, on en a. C'est votre pas mal de on peut passer une guerre, là, de sexe, n'est-ce pas? Des sexes, des réalités des égal sexes. Égal sexe. Égal sexe, les gars, oh my god. Hey, ce matin, c'est déviant, là. Ouais, je sais, ça déraille. Ça déraille. C'est pas du tout. Aïe, aïe, aïe. OK, donc. Ensuite, faire des fiches, des feuilles de révision, donc, comme j'ai dit tantôt, prendre tes notes, tes points importants que tu as soulignés, les remettre sur des feuilles, mémoriser ça, plus que mémoriser tous tes textes. Des fois, il y a des profs qui mettent des acétates ou des PowerPoints qui sont dans le fond juste informatifs, que tu n'as pas nécessairement tout apprendre par cœur dès que tu comprends le sens global. Donc, prendre le sens global de cette idée-là, la recopier, tu dois la mémoriser, puis c'est dans tes mots, c'est plus facile un petit peu. Il y en a qui s'enregistrent sur un dictaphone, qui se réécoutent après. Ouais. Voix. C'est... Moi, j'avais fait ça une fois. En fait, je mettais. J'étais jeune, là, c'était des mots de vocabulaire. Puis, je l'écoutais pendant que je dormais. Puis ça a bien fonctionné. Ah ouais, exemple. Pas fou. Mais je sais pas, en fait, je sais pas si c'est à cause que ça marchait tant que ça. Mais j'étais un peu cinglé. Je pourrais pas te dire. Ensuite, astuce, faire des mots avec tes notes. Oui, fait, exemple, des affaires mnémoniques qui appellent ça. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Oui. Mais il était pas sur le site, tu vois, c'est vraiment pas un site fiable. C'est pas fiable. Vraiment pas un site fiable. Mais c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, là, tu fais des. Pas dans ta tête, mais si t'es fait, tu fais des mots. Avec les débuts de tes trucs, tu t'en rappelles, tu mémorises. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, le truc, là, pour les planètes, mettons. C'est ça, le truc, pour les planètes? Ouais, c'est ça. OK. Je vais te croire. C'est fun, hein? Ça fait trop longtemps que je m'en fais ça. OK. Hey, truc 6, avec le pouce. Truc 6, avec le pouce. Parfait. C'est écrit « répète ». Répète. Dans mon cahier. Répète, ça va en bateau, pète en l'eau, qui reste. Répète. Ouais, on répétera pas. Donc, le truc, c'est répète. Pourquoi? Parce que ça a la démonstration dans le sens que les points qui sont les sous-points en dessous du mot répète. T'as suffi de regarder mes notes? Non, mais j'essaie de devancer. Hey, J'essaie de devancer. Excuse-moi. C'est pas un concours, là. Non, mais. C'est ma chronique. Okay? Hey, excuse-moi. Je vais arrêter. Dans le fond, c'est écrit lire à voix haute. Donc, lire à voix haute, ça a de la mémorisation. Pourquoi? Comme ça, c'est comme ça. Pourquoi tu vas à tes cours? Parce que le prof parle en avant, tu mémorises mieux, tu prends des notes vis-à-vis ça. Donc, dès que tu parles à voix haute et tu connais un concept ou que tu avec quelqu'un qui parle à voix haute, tu dois la même mémoriser parce qu'il va te dire dans ses mots tout le temps. C'est plus pratique pour ça. Alors ça, j'ai écrit « Gribouille les mots importants ». C'est le fun, hein? C'est quoi? Tes écrits, les mots importants, t'es écrit un par-dessus l'autre, comme ça? Non, mais mettons, tu as fini ta feuille de notes. Ouais. Mettons, là, la personne là, te parle, puis tu penses à un mot, ben, tu l'écris sur ta feuille. Okay. Tout des... En tout cas, moi, je fais ça. Aller avec l'étude, là. C'est ça. Ben oui. Parce que souvent, c'est facile. Mais t'as le droit d'écrire bière dans le coin en bas, en te disant, l'invitation est presque finie. Après, c'est fini. Après. Le nom de la personne que t'aimes avec des tickets. Aussi. On peut. Ensuite, j'écris que tu répètes au matin. Répète plusieurs fois la même phrase. Donc, quand tu répètes quelque chose régulièrement, c'est pas de mieux t'en rappeler. Comme un acteur. Voilà. Ouais. T'apprends tes répliques d'examen. Des répliques d'examen. Si ouais. On veut. Ou les débuts de mots comme à l'autre point, au point 5 que j'avais nommé, pour mémoriser. Ouais. Astuce. Relire plusieurs fois la phrase, le paragraphe. Relire plusieurs fois la phrase, le paragraphe. Relire plusieurs fois la phrase, le paragraphe. On va s'en souvenir. On comprend. C'était à toi comme de continuer, mais t'as vraiment pas compris le concept. Non, mais écoute, je trouve ça niaiseux. C'est vrai, mais lui, il te dit pas, il va assez court. Lui, c'est un petit génie, ça. 90%. Voilà. Donc, et ensuite, l'expliquer en tes propres mots. Dans le fond, tu reviens à ce que je disais tantôt. Tu l'expliques, tu parles à voix haute, tu gribouilles, tu soulignes, tu. Hein? Tout ça va ensemble. Point 7. Est-ce que j'avais dit qu'il y avait 8 points ou 7 points? Il me semble qu'il y avait 8. Ouais, mais je vais mettre 7 parce que le 8e point, j'avais barré parce qu'il était vraiment pas bon. OK, cool. Vraiment. T'auras plus un chose à dire maintenant que tu l'as dit, mais bon. Ben, numéro 7? Ah ouais, c'est ça. Okay. 7. Je disais... Ça me fait rire quand tu fais ça. On a un petit cochon dans le studio. Canaliser son énergie. OK. Oh, okay. Hein? Ça, yoga, tu... Non, ben c'était pas dans le site, fait que ça ne donne pas. Je pense qu'il faut que tu parles au prof pour replacer la classe en feng shui. Oui, peut-être. Tous les bureaux dans l'autre bord. C'est ça. Tous les bureaux dans l'autre bord. Non, dans le fond, ce que j'ai écrit, c'est être seul. Dans le fond, quand tu étudies, au début, quand tu révises toutes tes notes avant d'être avec quelqu'un pour pouvoir mieux étudier à deux, tu révises toutes tes notes seul. OK. Ça t'aide à avoir un meilleur focus. Il y en a qui vont le faire, exemple, en écoutant de la musique. Il y en a qui écoutent la TV. Truc de. Ouais, ça, c'est mauvais, ça me semble. Ouais. Ben, la musique, t'as que t'aimes. Mais la musique, ça dépend. Il y en a qui vont écouter chacun des styles de musique. Ouais. C'est sûr que y a des études qui ont été faites. Tu sais, la fille a dit ça, elle se connaît vraiment. Ouais, ouais. Non, mais qui ont été faites sur les différents styles musicaux que tu peux écouter durant que tu étudies, puis qu'il y a la stimulation du cerveau, justement, pour la mémorisation. Il y avait la musique classique. Ça, c'est logique, oui. Puis il y avait la musique jazz. Oui, ben oui. Donc, c'est les deux gros. Tout ce qui attire pas trop l'attention, que t'auras pas tendance à taper du pied ou à hocher de la tête, tu vas te déconcentrer. Mais il y en a qui vont avoir des beats, mais qui ont des paroles qu'ils connaissent tellement qu'ils vont les chanter, même s'ils chantent. Ouais. Ils vont quand même mémoriser leur matière parce qu'ils connaissent trop la tune. Okay. La chanson, pas tune, chanson. Mais un autre truc que mon collègue fait tout le temps ça à l'appartement. Il s'assoit. C'est drôle, ça. C'est bien. Le loyer. Ouais, il s'assit. Votre logement. Il s'assoit dans son sofa, en auto. En tout cas, vous comprenez? Il est dans le salon. Puis là, il met ses écouteurs. Puis il écoute un CD au complet, mais d'un artiste. Exemple, les Cowboys Fringants. Il écoute Vincent Vallière. Il écoute n'importe quoi, mais un album seulement. Et puis il prend toutes ses notes là-dessus. Fait qu'il étudie au complet durant tout l'album. Fait qu'après, quand il réécoute l'album, il se rappelle que sur tel moment de tune, il y avait telle note. Ouais. Puis le lendemain matin, il va refaire la même affaire avant l'examen. Puis en allant à l'examen, il va écouter comme les tunes, mettons, que pour lui, mettons, soit il aime le plus. Fait que normalement, il va étudier sur les tunes, qu'est-ce qui est c'est plus cool, dur, qu'il aime cool, le plus. Fait que ça l'a mémorisé. Ouais. Autant qu'il se trompe pas, puis qu'il n'y ait pas deux versions du CD, peut-être avec les tunes pas la même ordre, mettons, puis les mix, fait que là, t'es comme pas sur la bonne chanson. Ouais. Non, d'habitude, il se fie à un CD. C'est bon. Ça marche bien. T'avais-tu quoi? Un bon truc, non, ouais, c'est un bon truc. Mais la durée d'un CD, c'est à peu près une heure. Fait que ça t'a étudié pour ce batch-là. C'est ça, ça fait de bien. Tant mieux. Bon truc. C'est quoi ton mauvais numéro 8, là? Non, mais j'ai pas fini. Attendez, le canalisation d'énergie, il y en a, là. OK. Pas de cellulaire. Non. Tout le monde a des cellulaires quand t'étudies. Pas d'Angry Birds, là. Pas d'Angry Birds, pas de Facebook, pas d'Internet, dans le fond. Trouver une place où ce qu'il y a de toute façon, Internet n'existe pas. Facebook, dans la vie en général, enlever le don de votre cellulaire parce que c'est fatigant, maudit, d'entendre des gens biper à toutes les deux secondes dans la vie. Hein? Ouais, mais si le monde a des cellulaires qui mettent pas de volume, ça va. C'est déjà moins pire. Donc, c'est ça, donc le cellulaire le téléphone, et les internets avec Facebook te déconcentre dans le fond pour étudier. Ah, mais c'est ça, idéalement, en fait, quand tu étudies, éviter le plus de distractions possible. Mais tu vois, regarde, ça entraîne la procrastination. Ah, ouais. Vraiment. Ah, je le vois, là. Tu Tu vois-tu, procrastination, majuscule. Il est marqué. Procrastination. Il n'y a pas de faute en plus. Mais là, ça a besoin de faire le faute dans procrastination. Ça veut dire? François, on n'est pas comme toi, là. Ensuite, prendre une position confortable. Dans le fond, des positions que contre la hausse des frais scolarisés. Pour la hausse. Non, c'est pas ça. Non. Prendre une position confortable. Prendre une position confortable. OK. Donc, pas politique. OK. Mais tu sais, allongé, c'est pas confortable. Ben non. Oui, c'est confortable, mais c'est pas pour mais tu restes pas là longtemps. Ben, ouais. Tu comprends? C'est rare que tu vas être sur le dos avec ton cahier. Ouais. Avec ouais, ton cahier, tu t'as jamais limité. Non, mais tu peux te mettre sur le côté. Mais, souvent, mais tu vas rester là, mettons, 5, 10 minutes max, là, tu vas pouvoir étudier. Fait que là, tu changes de place. Ouais. Tu perds ton temps de concentration. Tu comprends? Mm. Tu canalises aucunement ton énergie. Ah, ben là, si tu dis. Tu vois, canalises parce que ça veut dire que tu gardes tout en même temps. Ah. Fait que assis. Debout. Ouais, quand tu parles avec du monde. Ou tu peux marcher en étudiant. Ouais, oh ouais. Ça crée de l'endorphine. Ça tout en aller. Même temps, tu manges un poisson. Tu le côté on the side. Avec ça, t'es sûr de réussir. C'est sûr. Wow. Donc, les astuces, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'à écouter la musique, donc musique jazz, classique, la musique d'ambiance, un petit nouveau ascenseur. Comme ton fond, nous. Ça fait très bien. François. Je serais pas également d'étudier là-dessus, mais c'est une musique d'ascenseur, mais je pourrais pas étudier là-dessus. C'est pas une musique d'ascenseur, mais non, c'est du fal, c'est du super. Beastie Boys, comment? Ouais, mais. Tu relaxes, hein? Ça fait dans un an. Okay. Ouais. Point 8, tu vois, j'écris juste le titre, je l'ai barré, je sais même pas c'est quoi. Ah, aide-toi! Aide-toi et la scie atteindra. Aide-toi, mais j'ai pas écrit les 6 points, j'ai rien écrit. C'est sûr que toutes les. Les 7 autres points vont t'aider. Oh ouais, c'est sûr. Déjà, là, t'es capable de canaliser là-dessus. 7, c'est chanceux. Ben oui. Je suis pas trop stressé, mais tu sais, ça rend à canaliser ton énergie. Ça, ouais. Ça donne à rien de te stresser à côté avant les examens. Mais quand, mettons, tu fais du sport, tu déstresses. Non, mais c'est sûr. Okay. Non, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, les gens sont, tu sais... Ouais, c'est sûr. De toute façon, mon Dieu. Donc, des repas santé. J'ai comme écrit... Un poisson. Cru. Cru. Avec les yeux. Tu le prends avec tes mains, mais... Je ne l'ai pas écrit dans mes astuces santé. Ouais. Mais tantôt, bon. Tu l'as dit, point 1 ou 2. Ouais, ouais, mais dans le fond, c'est des repas que tu pourrais te faire, pas juste des aliments que j'ai pitché. Okay. Un poisson, c'est mais salade de pâtes avec plein de légumes dedans. Des pâtes, c'est bon pour étudier. Des sandwichs aux œufs, parce que les œufs avec les oméga 3. Oh, le pain. On revient ici, on rejoint. Parfait. Tabarouette. Hein? Tabarouette. Sandwich à la dinde. Ah ouais, à la dinde. Je sais pas pourquoi, mais c'est écrit dedans. Disons donc, c'est bon. Varier le pain. Fait que pain blanc, pain brun, dos céréales. Bon truc. Ensuite, ça pour légumes, bœuf ou poulet. C'est ça qu'il disait dans le titre. Là. Fait que je me suis même fié à ça, moi, l'ai cru. Tu nous en as pas apporté? Non. Non, pas en tout. J'avais-tu un point? OK. Ensuite, j'ai un dernier site internet. Dans le fond, c'est un site internet que moi, je vois dans le cadre de mes cours. C'est au niveau vraiment des familles, de l'activité physique en famille. Donc, le site, c'est Kino Québec. Vous pouvez aller voir, dans le fond, sur le site, c'est www.kino-québec.qc.ca. Donc, c'est un site du gouvernement. C'est un site qui a été reconnu, dans le fond, pour promouvoir un mode de vie physique et contribuer au milieu d'être de la population au Québec. Ça fait lien entre les différentes villes, entre les familles aussi. Donc, tu peux comparer, mettons, une ville à une autre qui fait telle activité physique ou non. Tu peux aller voir aussi au niveau des saisons, qu'est-ce qui est favorable pour... Dans le fond, pas comment s'habiller, mais les activités qui sont favorables durant les saisons. Ça relie aussi aux municipalités. Je fais un lien en même temps avec mon domaine. Oh. Dans le fond, qui relie aux parcs multifonctionnels à l'année maintenant. Donc, les parcs sont ouverts l'été avec des pistes... avec des anneaux de course, avec terrain de baseball, soccer, football, terrain de basketball, jeu d'eau, parfois piscine, et des aires de jeu, des structures de jeu, qui sont ouverts aussi maintenant l'hiver. Donc, dans le fond, il y a des patinoires extérieures avec les anneaux de piste de course. Ils vont faire les anneaux de glace, donc des anneaux pour la patinoire. Non, ils vont pas geler la piscine pour faire une glace. Non, c'est quasiment impossible. Mais les terrains de baseball, des fois, vont servir à différentes activités. Il y en a aussi qui ont des places pour faire des glissades, qui vont amener des tas de neige par la ville et faire des glissades là, 2-3 glissades. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Ça peut aussi... dessus, il y a un truc. Il y a un truc, j'ai oublié le nom. Qui mesure ton taux d'activité physique. L'actimètre. Ouais, tu viens de le voir. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est en lien avec les saisons, l'actimètre. Donc, dans le fond, c'est à chaque saison, comment t'es actif. Donc, actif au niveau vraiment actif, moyennement actif, un peu actif ou très peu actif. donc en famille ou individuellement. Mais c'est vraiment un site pour aider les familles justement à mieux développer des activités physiques ensemble avec les villes. Donc tu veux vraiment faire un lien avec, mettons moi, ma ville, c'est ça, puis il y a telle activité. Donc c'est vraiment le fun pour ça, puis ça marche avec les saisons. Fait que dépendant de dans quelle saison, ça peut t'aider pour ça. Alors voilà mon petit site Santé de la journée. On rappelle, c'est kino-québec.qc.ca. Exactement, ouais. Donc Kino Québec. Merci. Gabriel de Grasse, merci beaucoup. Ben de rien. Très intéressant. Hey, la semaine prochaine, tu me parles de quoi? Je sais pas, ça se dit en ondes. Ben c'est pas, okay, je sais pas. Ça a l'air gênant. Ben oui, vas-y, vas-y. Ok. Dis-le, t'es capable. Je sais même pas si vous allez me donner le hockey pour. Vas-y, prends-le, dis-le. Moi je trouve ça drôle. Je veux savoir. Vos petits signes entre vous deux, là, pendant que je vous regarde, personne ne vous voit là. Ça fait bizarre ça aussi. Est-ce que tu veux que je fasse d'autres signes par rapport au sujet? Ça pourrait être un petit peu déplacé. Non, c'est pas correct. Dans le fond, Dans le fond. C'est pas mal la façon de le dire. Ben, c'est con, là, mais ça va pas dans le sens de ça. Non, pas vrai. Non. C'est parce que, dans le fond... Dans le fond quoi, là? Dans le fond de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond, là? Je suis comme gênée sur le titre, là. J'aurais comme parti, là, genre, mardi prochain, puis go, on y va, mais là... Okay. Ok, ouais, si tu veux garder une surprise. Ben, c'est pour vous, là. Ben non. On veut pas de surprise. Des brayons. Moi, les surprises, j'aime pas ça. Dis-moi les. OK, dans le fond, la semaine prochaine, je vais faire une chronique un peu... coquine. Ben comme... Mais c'est pas une... C'est pas une... C'est hey, pas, c'est une, pas clair. C'est pas une chronique, non? Que tu vas écouter puis tu vas dire, OK, go, asseoir, ça se donne. C'est pas une chronique dans ce genre. OK, non. Ça se donne quoi? V'là 2 ans, j'ai étudié en sexologie. Puis, j'ai fait 1 an là-dedans. Puis, j'ai tellement appris d'affaires que quand tu le sais pas. Genre, c'est juste, c'est tout. Puis, c'est pas méchamment que je dis ça du tout, mais il y a beaucoup de monde qui, dans des relations sexuelles, mettons, sont pas au courant de comment le gars peut réagir ou une fille peut réagir à tel stimuli ou peu importe. Okay. Donc, c'est juste de savoir un peu à connaître plus l'autre ou se connaître soi-même. Fait que c'est un peu une chronique là-dessus. Donc, c'est des astuces. Oui, c'est une chronique peut-être un peu osée, mais il y en a qui vont le prendre. Je suis vraiment pas gênée d'en parler, donc ça va être vraiment c'est drôle. Parfait. Mais dans le fond, chronique imposée, ouais, mettons. Mais c'est pas oser déplacer, là. Tu sais, c'est oser constructif, je pense. Parfait. Fait que ça va être un petit peu là-dessus. On a hâte. La semaine prochaine, mardi, à 8h. Oui. Voilà. Gabriel Degrasse, merci. Oui. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. On écoute une pièce d'Audionaute. C'est la chanson Sur les ondes. Puis après ça, ben, plus d'assemblage requis. Ah non, c'est vrai, c'était pas Audionaute qu'on écoutait, c'était ta chanson que tu avais choisie. Oui, c'est ma chanson. Excuse-moi, c'est du Yes Ayer. Ah, c'est ça. À chaque fois, j'oublie tout le temps le nom. J'oublie tout le temps comment prendre ce nom-là, fait que je comprends jamais. Mais cette chanson, là, je l'adore. Yes, sir. Sans la joie qui vit.

Le plan de demain à assemblage requis. Jasmine Raymond-Dréville tourne sa langue une dernière fois dans sa chronique linguistique. On parle des prochaines activités de la GEQTR avec Angie Durocher et on s'informe avec C'est un fait. C'est assemblage requis demain dès 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. En pierre, détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Il y a de l'ambiance, là, ces micros. Non, on savait que Marie-Pierre était là. Hein? On savait que Marie-Pierre était là. Ah, elle était là pour faire la voix hors champ, c'est ça, tout à fait. Ben, c'est à ça qu'elle sert, en premier. Et ensuite, de faire une chronique. Donc, toujours assemblage requis, là, vous me dites, mais Mathieu Plante, c'est moi. Ouais, Mathieu Plante. Mais pourquoi est-ce que... Mathieu Plante. C'est moi, OK. Pourquoi est-ce que tu reviens comme si on revenait d'une pub alors qu'il est comme genre 9h moins 5, hein? C'est ça? Comme, il me semble qu'il reste pas grand temps pour faire grand-chose. OK, vrai, premièrement, mais il reste assez de temps pour faire une rafale très, très rapide de faits. OK, c'est un fait. Ça finit bien une émission, faire une petite chronique de C'est un fait très, très, très, très rapide parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Pour commencer, les gorilles, saviez-vous, Gabriel et François-Olivier, que les gorilles ont tous une empreinte de nez particulière, un peu comme nos empreintes de doigts? Non. Les empreintes digitales? Je savais pas. Empreinte nez nasale, empreinte nasale. Oui. Évidemment, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est les gorilles. La plus grosse perle du monde... Une perle. C'est une perle? Ça vient d'une... comment on appelle ça? Une huître. Voilà, évidemment. Ça aphrodisiaque, on l'a tous appris, ça fait bien des choses. Donc, la plus grosse perle du monde mesure 9 pouces et demi de large, OK? Ben, de circonférence, mais en tout cas de largeur, et pèse 14 livres. Ben, voyons, toi. Plus grosse perle du monde. T'as sûr? 9 pouces et demi. Ben, voyons. C'est va valoir, beurrer. C'est ça. Big Bird, vous connaissez Big Bird, Sesame Street, là, etc., le gros oiseau jaune. Là, combien il mesure de hauteur, vous croyez? Il est grand, Big Bird? 7 pieds 2. 8 pieds 2. Oh, shit. Oh, shit, hein? 8 pieds 2. En parlant de shit, imagine combien ça... Y a-t-il des chasses dans ton costume de mascotte? Bonne question. Ou est-ce que c'est vraiment un géant qui joue? Ou est-ce que c'est une personne de taille moyenne avec beaucoup plus en haut? Ou deux nains, un par de slow. Ah, encore. J'aime ça, cette théorie-là. Le premier épisode de Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer, a été diffusé il y a 15 ans, le 10 mars dernier. Donc, 10 ans, plus quelques jours à peine. Wow. Buffy contre les vampires, imagine. Ou une autre chose, un autre anniversaire qui a lieu, c'est demain, en fait. C'est pas un anniversaire, tout demain. Pour ceux qui aiment planifier ça à l'avance, là, c'est la Pi Day, la journée de du Pi. Pi, c'est le symbole Pi 3.14, truc. Donc 3.14. Il y a du monde qui fête ça. C'est la fête des geeks. Je pensais que c'était la journée de la tarte. Pi. Ça pourrait aussi être ça. Mais moi, je préfère de dire que c'est la journée nationale de la fierté geek. Hein? On aussi, ça? Aussi. Ce que je dis souvent. Toutes les raisons sont bonnes pour fêter, c'est correct. Pour les étudiants, surtout. On n'a pas de problème. C'est aussi la fête d'Albert Einstein, le 14 mars. La poupée Barbie a été inventée le 9 mars en 1959. Des Barbies. T'es contre les Barbies? 1959, ça date quand même. Hein? Est-ce que tu veux qu'on calcule avec notre grand calcul mental, 2012 moins 1959, ça donne évidemment... 53. Wow, t'es fort. J'ai jamais joué aux Barbies de ma vie. Non. J'ai coupé les cheveux. Tu coupes les cheveux de tes Barbies? Ouais. Okay. OK, on disait, prochain effet, oui, le gars qui a inventé le brunch. Parce que oui, il y a un gars qui a inventé le brunch, c'est Guy Beringer. Le brunch, brunch? Mais pas mi-station, mais un brunch. Ouais, il faut pas manger trop. Il faut manger 4 repas dans la journée. Brunch, c'est le mélange entre un breakfast et un lunch, hein, un déjeuner et un dîner. Donc, c'est un brunch. Un dîner. En français, mettons. OK. Donc, non, il n'y a pas vraiment de nom pour ça. Mais bref, il disait que c'était pour se remettre après avoir bu le samedi soir. Un lendemain de veille, c'était pour régler le lendemain de veille à la place de te lancer dans un déjeuner et après ça de manger un dîner pour faire trop d'affaires en même temps. Tu fais juste un repas. Tu te gaves bien comme fou. Mais... Ce gars-là, c'est mon meilleur ami. Calmement. C'est sûr. Guy Beringer. Il y a une petite historique de du brunch sur assemblagerequis.com. Et puis, on va y aller avec un petit dernier. Vous connaissez l'ordinateur Watson qui avait participé à Jeopardy il y a quelques années. Il avait battu plein de gens à Jeopardy. Il s'est trouvé un travail, l'ordinateur. Oh. C'est vrai. J'espère que c'est payé. Ben, je sais pas si c'est payant, mais en tout cas, il a tout coûté cher. Wow. Il s'est trouvé un travail sur Wall Street. Donc, Watson va analyser les besoins des clients pour Citigroup. OK. C'est bien quand même. Ouais, tant mieux. Ouais. Pas plus de réactions aussi. Non. Il s'est trouvé un job. Tu sais, dans un marché comme aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile de trouver un emploi. Ouais. Et vous savez que lorsqu'on est dans l'espace, le poids est différent, les poids sont différents, ouais. Etc., la gravité et tout ça. Donc, les astronautes sont un petit peu plus grands, quelques pouces de plus grands dans l'espace comparé à sur Terre. À cause de la différence des poids. Ils partent ici à la même grandeur, ils se rendent en espace, ils grandissent, puis ils reviennent. Puis ils reviennent, puis ils sont plus petits. Qui était dans l'espace. Ça, ils reviennent comme ils étaient, je me suis. Non, c'est ça, mais parce que t'as pas de pression, tes colonnes, tes vertèbres. Les petits coussins entre les vertèbres. Ouais. T'es bien brillant, toi. Ben, c'est ça. 90% dans son examen hier. 90%. 90%. En santé vertèbre? Non, hein, OK. Non, en psychologie industrielle. Okay. C'est pareil. Non, okay. C'est pareil. Pas tellement. Pas vraiment. Bon, voilà, pour c'est un fait, Quickie Edition. Pour ce mercredi matin. Je vous l'avais dit qu'on avait le temps et qu'on n'avait pas grand-chose. Oui. On est mardi matin pour mercredi. Mardi matin, excuse-moi. Oui, mardi matin. Oui! Tu sautes des jours. Ouais, t'as déjà hâte de demain. J'aimerais ça être demain. Parlant de demain, on va avoir une belle émission. Jasmine Raymond-Drainville qui va nous faire sa chronique linguistique. Et c'est un petit peu une de ses dernières chroniques, en tout cas au moins pour l'instant, pour la période, la session d'hiver 2012. Donc, on va en profiter demain. On va aussi parler avec Anne-Julie Durocher de l'AGA UQTR. On va parler des prochaines activités qui s'en viennent. La relâche est terminée, donc tout repart. L'Assemblée générale qui va se dérouler demain. C'est ça. Grosse journée, donc elle va nous en parler. C'est demain soir à 18h30 au CAPS. Ouais. Allez voter, là. Allez voter. Tu me dis ça à moi. C'est en frappant Gabriel de crayon. Merci. Non, parce que t'es étudiant. Tu l'as frappé avec le côté qui crie, en plus. Ah, aussi. Allez voter. OK. On va voter contre, toi. Moi, je vote. Ça va annuler nos votes. OK. Et Colin. On va chicaner ailleurs, c'est correct. Wow. Demain, ça c'est le plan de l'émission. On va aussi avoir une chronique, c'est un fait, dans l'émission de demain. Donc soyez-y entre 7h et 9h. Pour l'instant, restez sur nos ondes. Le Dîner de con va s'en venir à partir de 11h avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, ce sera l'émission pour tout savoir sur la périnatalité, connaître ensemble. À 14h, c'est La langue dans ton oreille, l'émission de musique francophone avec David Ferron. À 16h, en rappel, Le voyage insolite et album classique. À 19h, réanimation pour du métal et de l'horreur. Allez voir sif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte sur du Final Flash. Yeah! C'est, welcome to the house on fire. C'est ça qu'on aime bien finir. C'est tellement bon, ça. Ça fait longtemps que je crois. Merci Gabriel. Ouais, merci. Merci à vous. Merci à vous, les boys. Merci à qui d'autre aussi? Les garçons. Les garçons. Stéphanie Gagné. Les garçonnets. Ouais. Bye.